petite sœur. C'est un bourreau de cœur. Fais gaffe à ta petite sœur. C'est un vrai tombeur. C'est un bourreau de cœur. Fais gaffe à ta petite sœur. C'est un bourreau de cœur. Fais gaffe à ta petite sœur. C'est un vrai tombeur. Quand il passe sur la plage, il enlève ses lunettes. Il roule des mécaniques. Il en a plein son slip. Plein son slip. Son nom c'est Hippolyte. Mais un gros blouson. Dessous y'a qu'un moustique. Un moustique. C'est un bourreau d'écart. Fais gaffe à ta petite sœur. C'est un bourreau d'écart. Fais gaffe à ta petite sœur. C'est un